pas pépé dans un coin. J'aime l'odeur du napalm au petit matin. Le monde se divise en deux catégories. Ceux qui ont un pistolet chargé et ceux qui creusent. Et bonjour et bienvenue à tous dans ce nouvel épisode du podcast Critique-moi si tu peux, avec la bande habituelle. Salut Arnaud. Bonsoir. Pierrot. Bonsoir. Oh, j'aime bien ta voix. Sylvia. Bonjour. Et Antoine. Et ciao à tutti. Oh, et oui, il est dans le thème puisque ce soir c'est un film italien, un grand film italien. Sylvia a confié la lourde tâche à Arnaud de trouver un film. Tu me traites de lourde tâche ? Ouais, exactement. Un film de super-héros, mais pas français. Et toi, t'as rien trouvé de mieux que de trouver un film de super-héros italien. Lo Chiamavano Gigrobot. En gros, on l'appelle Gigrobot, hein. Je vais faire simple. Hein. Donc un film de 2015, italien, de super-héros, qui dure 118 minutes, avec au scénario Nicolas Guaglianone, là, on dirait une pizza, et Menotti. Oh, allez, première blague raciste. Et Claudio Santamaria en acteur principal. Déjà, la petite question, est-ce que tu peux nous résumer très rapidement ce film, rapidement, et surtout nous dire pourquoi tu as choisi ce film dont nous allons parler ce soir, mon cher Arnaud? C'est un voleur branleur qui est poursuivi et qui va acquérir des super pouvoirs et qui va continuer à faire le branleur et puis un peu moins à la fin. Tu peux pas le résumer mieux que ça? C'était pas complètement faux. Hein. C'est pas faux, mais c'est pas très vendeur. Non, mais donc c'est pas faux. C'est un petit malfrat qui, par erreur, se retrouve avec des pouvoirs et après avoir rencontré une fille en particulier. Ah oui, non, mais tu dis tout là. Bah non, je dis pas tout, c'est le concept. En gros, est-ce qu'il est un super héros ou pas, quoi? C'est la question qu'il va se poser. Au début, il a un super zéro en tout cas. L'amour est plus fort que tout. Voilà. Alors, maintenant qu'on a résumé ce film, pourquoi? Alors que le contexte, c'est un film super-héros non français, as-tu choisi ce film? Ben, en fait, non, je voulais pas repartir sur les super-héros qu'on a, tous les films de super-héros qu'on a tous vus, là. Soit, je sais pas, ben, toutes les productions américaines, principalement, les films de super-héros. Après, je connaissais pas forcément les super-héros d'autres... Mais il y a des super-héros japonais, il y a plein de super-héros. J'ai presque franchement été déçu que tu prennes pas le truc indien, quand même. J'avoue ouais, qu'en regardant les bandes annonces et en lisant les synopsis, j'aurais préféré vous regarder le film. Bah, vous dites ça parce que vous ne l'avez pas vu, le film indien. Est-ce que ça pourrait être mieux, le film indien? J'étais pas sûr. Donc, mais bon. Non, le film indien, vous n'étiez pas prêt. Peut-être. J'aime cette arrogance. Pourquoi tu as choisi celui-là? Par défaut, parce que... Par dépit, tu sais. Oui, totalement. Mais après, il remplit le cahier des charges. À moitié. Il sent le... Ah bah si, c'est un film de super-héros non français, on peut pas le... Bah, je peux débattre sur le film de super-héros. Ah bon? Moi je valide quand même, c'est un film de super-héros. Après hein. dans super-héros, il y a... Alors, il a des super-héros, effectivement. En fait, dire le côté héroïque arrive vraiment à la fin du film, effectivement. Oui, c'est ça mon problème. Bah, c'est l'origin story d'un super-héros. Il y a tout un parcours du personnage, quoi, qui il a peut-être un côté anti-super-héros et ça sent la transpiration. Ce qui est compliqué avec les films de super-héros, c'est que on s'inquiète pas pour les super-héros. Et là, malgré tout, on le sent. Au moins au niveau des pieds, on le sent vulnérable. Donc après, on s'inquiète pas trop pour lui quand même. Hein. Non, on s'inquiète pas trop. On s'inquiète plus pour les autres autour, quoi, parce que les autres, il peut leur arriver des trucs. D'ailleurs, il leur arrive des trucs, mais lui pas trop. Non. Oh, ouais, mais il a une. Non, mais rentrons pas dans le détail. Tu nous as pas vraiment dit pourquoi tu l'avais choisi. On a senti par dépit. Maintenant, on va faire le tour de nos chers collaborateurs. Non, je pense que j'ai un souci avec les super-héros. Peut-être dans la définition du. Parce que à notre époque, un super-héros, c'est peut-être quelqu'un qui va dire des trucs, tout simplement, et qui va dire des trucs et qui va les faire et qui va les assumer. Déjà, dans notre société, c'est déjà un super-héros. Non, mais là, tu brodes, tu philosophes. Ouais, un super-héros, c'est pas ça. Non, mais selon ta définition d'un super-héros. Parce que je sais pas. Bah, je t'avais déjà dit qu'un super-héros, c'était quelqu'un qui avait des pouvoirs. Donc, déjà, celui qui fait que causer, il a pas. Tu veux dire des pouvoirs. Oui, mais les pouvoirs, c'est quoi pour toi, avoir des pouvoirs? Non, mais il les a là. Macron, par exemple, c'est un super-héros alors. Il les a, les pouvoirs. Macron, c'est un super-héros. Il a des pouvoirs surhumains. voilà. Ah, bah oui. Macron, pouvoir surhumain, et il s'en sert pour faire le bien, le super-héros. Voilà. Ouais, merci. Ah oui, c'est pas Macron, ouais, t'as non, raison. Non, c'est pas Macron. Du coup, ça coche aucune des cases, Macron. C'est tout l'inverse, même. Pierre, que peux-tu dire sur ce film de super-héros ? L'avais-tu alors, déjà non, vu, déjà ? Je l'avais pas vu, je m'attendais à rien. Disons que ça se regarde. Et j'ai pas été déçu. J'irai pas jusque-là. Non, ça se regarde. En fait, il y a eu pas mal de bonnes choses, mais je trouve dans l'ensemble, à la fin, des choses gâchées, je trouve, par rapport au potentiel du film. Il y avait vraiment des scènes bien, des idées bien, pas mal de choses que je me souviendrai en plus, je pense, mais d'autres à la rigueur, qui, par contre, à côté de ça, qui m'ont un peu sorti du film. Et au final, en y réfléchissant à tête posée, finalement, pas tant d'originalité sur le contenu, même plutôt l'originalité sur la forme. Et c'est plutôt ça qui m'a plu, je pense. Voilà. Il rend hommage, ouais, il rend hommage ça au film rend de super-héros. Rend hommage ouais. à sa façon, en oui. prenant des codes série B, de films italiens. Mais qui... bah, j'ai l'impression que sans connaître trop les films italiens, je suis pas un expert, j'ai l'impression que ça rend quand même plus hommage aux films italiens qu'aux films de super-héros, j'ai l'impression. C'est ça, ce côté-là, en tout cas, moi, qui m'a plu. D'accord, ok. Ça marche. Sylvia ? Alors moi, j'ai été hyper déçue. C'est ça le sentiment qui reste. Je l'avais pas vu avant et j'ai été hyper déçue parce que pour moi, c'était pas ça un film de super-héros. Justement parce que c'est presque un préquel de film de super-héros. Et il est super-héros, à la limite, dans les 5 dernières minutes, quand il choisit de faire des choses de super-héros et de pas faire que des choses égoïstes. Donc du coup, pour moi déjà, c'est limite pas dans le thème. Après, j'ai trouvé que finalement, c'était beaucoup plus un film de gangster, de presque de mafia violent, qu'un film de super-héros. Moi aussi, dans l'idée que je me fais d'un film de super-héros, la plupart, alors pas tous parce que je mettrais Batman à part, mais il y a quand même des choses un peu colorées ou du moins des choses un peu positives. Et je trouve que ce film-là, il est très sombre, il n'est pas positif du tout. La violence, elle est à tous les niveaux. Et en fait, je pense que quelque part, j'attends aussi d'un film de super-héros un truc où à la fin, t'en ressors quelque chose d'un peu positif. Alors, j'irai pas jusqu'à dire un feel-good movie, c'est pas ça, hein, mais... Utopique. Ouais, un peu dans le fantastique. Et là, en fait, hormis, ok, il est fort, mais à part ça, pour moi, c'est qu'un film de gangster un peu noir. Et du coup, j'ai carrément pas eu ce que j'attendais, quoi. Donc, déçu. Aïe, aïe, aïe, aïe, une déception. Alors Antoine, va-t-il relever la déception ? Alors déjà, je pense qu'il faut crever l'abcès parce que on le cite pas, mais on a tous en arrière-pensée, Vincent n'a pas d'écailles. Hein. Qui a traumatisé les membres voilà, de ce podcast. Il faut expliquer quoi. Que le thème, si c'était un film de super-héros qui n'est pas français, c'était pour éviter d'avoir à revoir Vincent n'a pas d'écailles qu'on avait eu dans un précédent podcast. Un chef-d'œuvre recommandé par Antoine. Quand même, ils ont un point commun, ces deux films, c'est qu'ils ont le même budget. Non, c'est fou. Hein. Sérieusement ? Il y a le même budget ? Un peu, ouais. Oh. Un peu moins de 2 millions d'euros. Et c'est assez fou. 2 millions que les Italiens... Vincent n'a pas d'écailles. Ouais. Wow. Ouais, c'est fou. Hein. Là, tu le sens un peu plus utilisé. Oui, je trouve là, que là-dessus, il n'y a pas de Vincent critique pas à faire sur film italien. Tout n'est pas parfait. Sicilia, elle trouve que c'est un film de mafia. Moi, j'ai un peu, c'est vrai que le côté super-héros il intervient un peu à la fin du film. En fait, je trouve que le film de super-héros intervient quand il y a un super méchant, parce qu'en fait, pendant toute une partie du film, il s'en fout un peu de ses pouvoirs. Moi, j'avais plus l'impression de voir ça comme une espèce de film romantique, en fait. Où, la romance par Antoine avec un petit viol au passage, quoi. Le mec, il regarde des films porno. Non, ouais, il y a, c'est ça. Il y a non, le mais c'est juste horrible, quoi. Ça aussi, ça fait partie. Il y a le Colisée, mais dans le côté romantique... Peut-être pas romantique, mais cette relation qu'il y a entre... Rome antique. Ouais, c'est ça. Où on s'en fout du consentement, où les femmes sont juste là pour être bonnes à baiser. Non, et si mais, elles oui, mais ou lui, pas, c'est pas lui, c'est pas le rapport qu'il a avec ses bah, femmes. Mais il la viole. Quand non, lui, dans la cabine rapport, d'essayage, il la viole. Hein. Ah, quand ouais. tu dis j'ai mal, ouais. en gros, arrête alors... et que le mec il continue, ouais. excuse-moi, ça s'appelle un viol. Juste pour être clair. Dans le... Ouais, mais c'est en italien, un violo. Oui, mais en italien. Oui, non, mais alors, moi, je vais remettre dans le contexte. Je l'ai vu il y a un bout de temps et j'aurais aimé le revoir le film. Il m'a fallu le revoir. Une petite claque ouais, à Mathias là et puis bam, allez, au lit. Voilà. Non mais j'ai pas pu le revoir donc c'est vrai que les souvenirs, donc oui, j'avais oublié cette scène. Mais en tout cas, la relation, alors ok. Oh, c'est trop pareil. Un détail de l'histoire. Cette espèce de relation qu'il a entre lui et cette fille, même si bon, effectivement, voilà. Bon. C'est deux personnages. C'est deux personnages qui n'ont pas les codes. Ils n'ont pas les codes, les deux personnages. Bon, il n'y a pas besoin d'avoir des codes pour ça. Après, moi, j'ai passé un bon moment. Je ne me suis pas ennuyé. Même le combat final entre les deux méchants, enfin le méchant et le gentil, alors c'est un film qui a pas de sous, hein, c'est sûr qu'il faut. Non, mais en fait, le problème, c'est qu'il est pas gentil. Je crois que c'est. Faudrait que bah, en fait, je pense qu'on est, ouais, on est un peu. On est dans la version, on est dans le petit frère du film avec Will Smith, là. Hancock. C'est Hancock, non ouais. Hancock, ou c'était. Ah, il y a des inspirations. C'était un peu. Ouais, c'était un peu le méchant, tu sais, le super-héros qu'on a rien à faire. Non, c'était pas ça, c'est que... Non, pas tout à fait, parce que il défonçait les méchants, mais il allait un peu trop loin vis-à-vis des méchants. Bah, c'est le côté super-héros qu'on a rien à foutre. Ouais, mais c'est pas dans le même sens, quoi. C'est ça que je veux dire. Là, il... Bon, ok. Non, non, mais... Il faut reconnaître la film-là, c'est-à-dire qu'il ressemble à aucun autre film que j'ai vu, en fait. De super-héros. Tout court, enfin, même super-héros ou pas. Non, je pense que si tu commences à chercher dans les films un peu de gangs, de machin et tout ça, tu vas retrouver. N'étant pas expert, j'en ai pas vu beaucoup des films comme ça, donc pour moi, il ressemble à aucun film que j'ai vu avant. Alors peut-être que pour le côté mafioseux un peu, mais en tout cas, c'est clair qu'il y a aucun film de super-héros alors, qui ressemble à ça. Je suis pas tout à fait d'accord avec toi, Pierre, mais je dirai après. Et puis ce que j'ai trouvé Antoine, aussi original, alors bon, c'est de l'originalité par défaut, c'est que si on compare une fois de plus au cinéma américain, on nous ressasse toujours les mêmes super-héros, on a toujours droit aux origin stories des mêmes super-héros, qu'on, même si on n'est pas fan, moi je suis pas un fan de super-héros, mais je les connais parce que, et encore, quelle version, par exemple Spider-Man, il a une origin story tous les 3 ans. Mais c'est pour ça que j'avais choisi ce thème pour Arnaud, c'est que je savais qu'il choisirait pas ça. C'était un personnage que je connaissais pas, et c'est vrai que je me rends compte qu'au final, les origin stories, j'aime bien ça, même si j'aime pas les films de super-héros. Bah, j'ai toujours aimé voir la naissance. Il y avait une série sur Netflix, c'était quoi, Daredevil, je crois. Notamment la première saison, où au final, donc une saison de 10 épisodes, le costume, qui est quand même une scène qu'on attend, le moment où le personnage met son costume, son costume de super-héros, bah, intervenait à la fin de la saison, en fait. Et pendant toute la saison, on le voit jamais. Et d'ailleurs, le terme de super-héros... c'était un super-héros en devenir et il devenait à la fin de la saison et j'aimais bien ce point de vue là en fait de voir juste avant parce qu'une fois on n'est pas super-héros ouais à part ouais Superman peut-être même pas voilà mais il est pas gentil et c'est pas un héros c'est ça qui me gêne bah c'est pas un héros ouais il devient à la fin parce qu'à la fin il empêche l'explosion de la bombe dans le stade tu vois mais c'est vrai que avant la scène finale oui non c'est pas un super héros il est pas gentil mais on peut pas dire qu'il soit méchant non plus il essaye de survivre oui alors si tu veux avec la scène de viol en plus j'ai du mal à dire que c'est quand même un mec gentil la scène de viol sans parler de la fille qui a vécu des trucs qui aussi voilà il a, elle a été peut-être violée plein de fois, donc elle est pas, je sais pas comment dire, elle est pas dans un champ qui s'en va s'enfoncer là. Terrain glissant. C'est clair. alerte rouge. Non mais il y a rien qui peut le justifier en fait. Et au contraire, non, moi je trouve non. que cette scène, elle fait que renforcer le fait que ce mec c'est pas un mec bien. Déjà avant, bon, effectivement, c'était un voleur, c'était etc. À la limite, tu peux dire il a pas d'argent, il a pas le choix, enfin, je sais pas. Franchement, quand elle rentre chez elle et qu'il y a tous les malfrats qui vont sûrement la baiser à nouveau et que lui, il arrive, il rentre et il casse leur... C'est vrai que c'est vrai, pas à mettre bien. Il aurait dû la laisser se faire baiser, se faire violer parce que de toute façon, cette fille, c'est non, mais c'est... ça justifie pas de le faire après. Tant si t'empêches quelqu'un de violer et puis qu'après tu la mais non, mais lui, il la voit comme une petite amie. Après, il la voit pas comme elle lui dit non. Tu connais l'histoire du... C'est un viol, point. Il n'y a pas de discussion possible. Non, mais cherchez pas les jeunes. Oh, vous n'êtes pas au 21e siècle, maintenant. Je ne contredis pas ça, moi. Moi, je reviens juste sur le fait quand tu dis que... Je ne suis pas toujours d'accord avec cette vision. Alors, il n'est pas méchant, il essaye de survivre. Si, quelque part, c'est quand même un malfrat, le gars. Enfin, effectivement, c'est un malfrat, c'est pas le malfrat rayonnant, tu vois, c'est pas Don Corleone. Mais le gars, en attendant, si, c'est un voyou, donc... C'est une petite frappe, c'est pas... Oui, mais bon, voilà, les petites frappes, quand la petite frappe, elle viendra te péter ta Clio ou ta bagnole, ouais, puis tu il va plus loin que ça, je veux dire, il est quand même violent aussi au départ, c'est pas les super-pouvoirs qui le rendent violent. Mais il a été élevé dans la violence, bien sûr. Bah, on sait pas trop s'il a été élevé parce que l'absolu son enfance. Bah, si, on en parle quand il y a tous ses copains qui sont morts, il parle de son passé à un moment. Si vous avez vu le film. Un peu, ouais, pendant 5 ans, 2 minutes. Moi j'aurais aimé le revoir, j'avoue que j'aurais aimé le revoir. Non, moi je trouve que le personnage il est très très cohérent. Et alors la scène de viol, pourquoi ils l'ont mis comme ça si elle est absolument gratuite? Ah bah, pour moi, en fait, elle renforce le fait que c'est pas un mec bien et que c'est à ce moment-là certainement pas un super-héros, justement. Et donc, même un mec pas bien peut devenir un super-héros et un mec pas bien peut devenir un mec bien. Ça parle de ça, en fait. Bah, ça parle je de sais la... pas, parce que non, vu que c'est 3 minutes bien, à la fin, j'ai envie de dire, faudrait voir sur la longueur. La rédemption. C'est comme quelqu'un qui sort de prison, tu vois, il va traîner tout le temps le fait qu'il a l'étiquette, il est sorti de prison. Mais après, il peut avoir payé sa peine et vouloir faire... philosopher sur des trucs hors film. Fait le gentil dans les 3 dernières minutes. Ce qu'il y a après au générique de fin, t'en sais rien. Moi, il m'est pas plus antipathique que tous les gens qu'il y a autour. Ouais, ça, on avait compris. Moi, je pense que c'est tout le sujet du film. C'est justement de dire que c'est... Enfin, de montrer un mec qui veut tuer tout le monde. Enfin, contrairement à l'autre psychopathe, tu vois, qui est dépeint comme le méchant du film. Lui, n'a aucune morale, rien, quoi. Donc, Oui, c'est sûr que c'est pas le plus méchant du film. Ça, c'est clair. Bon, à moi de dire. Alors moi, c'était une grosse déception. T'attendais beaucoup du film? Non, alors oui. En fait, j'avais l'impression de regarder un film YouTube. Tu sais, des mecs qui ont fait Golden Moustache, là. J'avais l'impression de voir ce genre de film qui est fait par, pas trop mal, mais par des mecs de YouTube. Donc, dans l'idée, tu dis, ouais, pourquoi pas, ça peut être pas mal, il y a un petit budget. Et justement, le côté que je reconnais, tu te dis, tiens, ça tombe sur un gars, entre guillemets, lambda. Alors oui, c'est un malfrat, mais ça reste un gars lambda qui a des super pouvoirs. Alors que d'habitude, c'est soit le mec modèle, enfin bon voilà, ou le mec riche et tout. Donc là tu dis tiens, il y a pourquoi pas, tiens, c'est bien, on va voir quelqu'un de lambda hérite de super pouvoirs. Et en fait, pour moi, pendant 3 quarts d'heure, mais il se passe enfin rien. Si, il se passe des scènes, mais en fait tu dis mais en fait on s'en fout, c'est nul. Non mais il se passe rien en fait. Et à la fin, les 3 derniers quarts d'heure, je dirais que j'ai un peu mieux aimé, mais du coup, la contrepartie, c'est que finalement, en parallèle, je l'aime pas. C'est que là où il commence un peu, où il y a le méchant, en fait, qui d'ailleurs, moi j'y ai vu une inspiration un peu du Joker, un peu avec les mimiques, le faciès qu'il fait. Et en fait, là, mais il n'y avait rien d'original. J'avais l'impression que c'était plus, même la scène de fin où il saute, il met son truc, j'avais l'impression de voir la fin de Batman Begins, quoi. Tu te dis, mais en fait, à la fin, il fait un copier-coller de film américain. Donc tu te dis, le début où il peut être original, bah en fait, il aurait les pouvoirs qu'au milieu du film, ça changerait presque rien, honnêtement. Il a les pouvoirs au début, mais il les aurait au bout de 3 quarts d'heure, ça change rien du tout. Si, à un moment, il se bat avec 3 gus qui agressent la fille, là, mais honnêtement, il avait même pas besoin de super pouvoirs pratiquement pour ça. Et puis après, voilà, il y a super pouvoir, il y a le super méchant, qui est caricatural, qui est... Enfin, je trouve ridicule un peu, là. Ça m'a fait penser aussi à The Mask, d'ailleurs, à un moment, le mec The Mask, qui hérite des pouvoirs... Tu sais, le méchant... Il veut se sortir de ça. Il est du même, finalement, de la même condition sociale que lui. Mais du coup, moi, ça m'a rien amené. Moi, j'avais espoir. En fait, j'en peux plus des films Marvel, DC, de super-héros. Je les trouve nuls. Et ben, en voyant ce film-là, je me dis toujours que je les trouve nuls. Mais en même temps, ben, en fait, j'arrive rien à avoir d'autre. Là, c'était l'occasion d'avoir une autre proposition. Et en fait, je trouve que c'est pas exploité. Donc, c'est une grosse déception. Parce que le début du film, je me dis, ah ouais, pas mal. Rien, la fin, tu dis oui, ça passe. Ouais, mais en fait, ça passe, mais en fait, ça ressemble à une origin story ultra classique qu'on a vu, mais 1000 fois, quoi. Là, c'est ça que je reproche. Après, oui, c'est un peu mieux mis en scène que Vincent n'a peur d'écailles. Les acteurs sont pas si mauvais, mais putain, le reste, quelle purge. Non, pas purge, mais en fait, Vincent n'a pas d'écailles, c'est quand même moins pénible. Non, mais attends, j'ai pas vécu une purge. C'est simplement. Je me suis dit, mais en fait, pourquoi ? En fait, quel était le but du réalisateur ? Tu vois, je me dis, tu veux faire un film ? Tu dis, tiens, moi, je vais attaquer le super-héros d'un autre style ou je veux rendre hommage ? Bon, bah là, oui, il démarre un peu, puis finalement, il rend hommage. Je te dis, moi, la fin, la scène, c'est Batman Begins. Hein. Il met son truc, il saute comme s'il volait. Ah, tu dis, mais putain, là, il a repris le même, quoi. La même chose. J'entends ce que tu dis. Bon, c'est sûr qu'il y a des scènes, on passe par des clichés. Hein, tout est convenu dans ce film, c'est sûr. On sait ce qui va se passer. Après, juste peut-être que la différence qu'il y a avec des films Marvel, mais bon, là, peut-être que toi, Seb, tu serais capable de. Vu que tu les as presque tous vus. Le sang. Non, c'est que, en fait, j'ai l'impression que Marvel a. En tout cas maintenant, à un peu dévitaliser le super-héros en faisant quelque chose de cool, quelqu'un de très, très sociable, de très... Oui, mais t'as DC dans ce cas-là, DC qui a toujours été plus sombre. Le super-héros, ça reste un monstre dans l'absolu, toi, ça reste quelqu'un qui est en marge, quelqu'un qui n'est pas accepté. À la limite, peut-être que Batman le traite, ça. Et là, au final, t'as cette histoire avec ce garçon-là qui est effectivement qui est en marge. en dehors du bien ou du mal, cette fille qui est aussi en marge, là, là, qui est perchée, cette fille qui a des problèmes. Là. Et en fait, c'est ces deux gugus qui essayent de vivre en marge de la société et, alors là, qui essayent de survivre, ouais, qui essayent de... Et je trouvais que tu retrouvais un peu cette noirceur du super-héros qu'on a peut-être un peu... Enfin, moi, j'ai l'impression qu'on est un peu perdu quand je vois, quand je vois les images qui m'arrivent, tu vois, où j'ai l'impression que Spider-Man, maintenant, c'est un jeune ado, il n'a pas de problème, il est avec ses potes au lycée, enfin, tu vois. Oui, mais ça, c'est le trait Marvel. Mais si tu prends les premiers Burton... Attends, tu prends les premiers Burton Batman... il est torturé, il est vu comme le méchant. Je te parle des films récents qui sont, mine de rien, devenus un peu maintenant une espèce... Non, tu prends The Batman, le dernier, c'est pareil. Il est... Non, c'est effectivement le côté Marvel un peu coloré, mais tu prends les derniers Superman de Snyder, ils étaient sombres. Hein. Il n'est pas vu comme un super-héros, Superman, hein, dans les derniers. Il s'inscrit dans la phase qu'il y a eu courant des années 2000 d'un regain de films de super-héros, mais en mode décalé. Notamment alors, les Kick-Ass, mais qui est vraiment des super-héros, mais tout ce qui est super, Defender, Hancock, un peu tous ces films-là dans les années 2000. Et en fait, ce film-là, là, G-Robot, il s'inscrit dans cette vague-là, je trouve. Ouais, mais sauf qu'il est en 2015, lui. Mais c'est ça le problème, c'est qu'il est en 2015, c'est ça le problème, justement. Il a 6, 7, 7 ans de retard, et pour rien apporter de nouveau, en fait, au final. Alors oui, il y a des choses, ça passe, enfin, ça se regarde, c'est pas un mauvais film. Mais c'est vrai qu'il apporte rien de nouveau au genre. Bah c'est ça, je suis d'accord. Vraiment ouais. Très peu quoi. Sur le super-héros en soi, ça reste classique quoi. En fait, le truc c'est que on dit de grandes responsabilités, de grands pouvoirs implique de grandes responsabilités. Et ouais, qu'est-ce qui se passe quand c'est quelqu'un qui on se lève tous pour branlette, tu vois, le mec il bouffe de la, il bouffe de la danette. Et oui, mais justement, c'est là que c'est pas exploité. La danette, c'est ça qui est dommage. Plein de fois pour rien au final. Pourquoi il te montre ça tout le temps? Bah si, il mange que ça, il se nourrit. Mais et alors? Ça apporte oui, quoi, ça apporte ça apporte quoi au fait... Je vais attendre un truc à la fin sur les danettes en fait. Il y a même pas une blague à la fin du film, il y a rien eu quoi. C'est pas de la danette en fait. C'est on se lève tous pour danette quoi, puis c'est tout. Enfin, j'ai pas compris là. Pourquoi ils ont fait cette danette. Je suis sûr qu'en Italie ils connaissent la pub. Mais j'ai pas compris, pourquoi il y avait des danettes tout le long. Enfin, ok, ils bouffent des danettes et ouais, et alors du coup, pourquoi? Mais c'est ça, je suis d'accord, il y a plein de trucs, tu te dis pourquoi. Eh ben oui, c'est pas mal déjà si tu te poses la question. En fait, j'attendais un truc, je me suis dit c'est un truc, ils vont faire quelque chose avec les danettes à un moment. Bah non, mais c'est pareil, dans un film de Marvel, tu verras jamais des filles se faire. Voilà, tu verras jamais des mais un porno. Est-ce que, alors, est-ce que c'est pas plus mal? Est-ce que c'est pas plus mal? Mais alors, est-ce que ça apporte quelque chose? Finalement, est-ce que c'est pas plus mal qu'on voit pas ça dans les films Marvel, les femmes qui se font violer? Bah ouais, parce que là, ça apporte quoi au film qui regarde un porno? Mais non, ça mais c'est. Tu l'as regardé, il était interdit à quel âge ce film? Bon, 10 ou 12 ans. C'est juste... 10 ou 12 ans non, mais c'est juste pour te caractériser le personnage. Tu dis, non, le gars, il se nourrit que de danettes. La seule activité, c'est de regarder des films porno. Donc tu dis, bon, bah, le gars, il est en marche. Tu peux pas t'épanouir. Ouais, c'est classification 12. Que du porno. Ouais, il est immature. Il est resté bloqué en mode ado qui mange ses danettes devant la télé. Tu vois, c'est une façon de pas vouloir voir ce qu'il y a à l'extérieur, le réel. Il fait ses petits braquages, il reste du temps. Il est bloqué là-dessus. Il en fait pas tant que ça, des braquages. Hein. En fait, il est pas à l'aise avec les codes sociaux. Il est pas à l'aise avec. Il est à l'aise avec personne, en fait. Parce que attends, il est. Je pense qu'il en faisait avec son voisin, là. Mais vu que son voisin, il crève dans les 15-10 premières minutes, allez, 20 premières minutes, bah forcément, il en fait moins après. Hein. Fabio? Bah oui, de toute façon, on voit juste le braquage après où il pique le pognon du méchant, là, c'est ouais. Tout. Hein. Après, moi, il y a un truc pareil que j'ai trouvé original dans le film. Alors. J'entends tout ce que vous dites, hein. C'est clair qu'on passe par des scènes qu'on a déjà vues 15 fois et qu'au final il n'amènera peut-être pas grand chose ce film, mais par exemple ce que j'ai aimé c'est ce que là où toi tu dis le ventre creux du film, c'est quand il se fait plus ou moins démasquer en fait, où il essaie de draguer cette fille, et je trouve que son pouvoir, parce que tu l'attends le moment où tu t'attends à ce que les protagonistes, parce qu'ils cherchent un peu c'est qui ce personnage, et tu sais qu'à un moment ils vont savoir qui c'est, mais comment ils vont le savoir? Tu veux dire quand ils se pointent en plein milieu de la place principale et qu'ils tirent sur le tram sans son masque, hein. Parce qu'en fait tu te rends compte qu'il s'en fout de ses pouvoirs, enfin tu vois, c'est vraiment il cherche pas à se cacher lui en fait. Alors si, il s'est caché quand il a braqué la banque, parce que bon, il savait qu'il faisait quelque chose quand même de pas top top. J'ai aimé cette scène, voilà, moi je... Il arrête ouais, le tram ouais. Dans le bus, là, je sais plus, là. Moi, je connais pas les nouveaux films de super-héros, mais les anciens, je les ai tous vus, et forcément, alors c'est le défaut du film, c'est que tu penses à plein d'autres films. Et là, j'ai pensé forcément au Spider-Man de Sam Raimi, avec la scène où le Parker, là, il arrête le tram dans New York, là, le métro. Et donc je me suis dit, bon bah voilà, c'est la version low cost, la raconte italienne à Rome. Rome. Voilà, c'est ça. Et j'ai trouvé que là, effectivement, tu vois, autant alors le côté où il chope son super pouvoir au début du film, là, où il plonge dans le fleuve, j'ai trouvé ça nul parce que je me dis, voilà, là, ils auraient pu mieux faire. En plus, c'est les clichés du truc radioactif. La scène du début m'a presque sorti du film. Là. J'ai trouvé mal faite en plus, pas réaliste. Oh, les vieux clichés, quoi. Rien n'allait en fait. En 2015, être aussi peu original sur des pouvoirs qui arrivent. Bah tu vois, tu te dis, non, mais c'est pas, ah, ils non, mais pas moi, le droit pour de moi, faire le ça. Sujet, c'est à qui les pouvoirs arrivent, c'est-à-dire à un mec qui est toute la journée en train de regarder oui. du porno et manger des danettes. Mais oui, mais justement, mais pourquoi pas ? Un mec à qui il arrive ça, eh ben, il va pas. Mais t'es pas obligé de faire une substance radioactive dans l'eau. Enfin, c'est bidon, dans ce cas-là, il y a plein de poissons super-héros. Hein. Peut-être que ça arrive à Bernard-Henri Lévy, il va peut-être aller sauver le Darfour, mais tu vois, lui, il y pense pas. Lui, il pense à son petit oui, truc personnel. Oui, mais c'est pas exploité. Eh ben alors ça, je suis d'accord, j'aurais aimé que ça c'est soit ça. Fait. Film, il reste pas plus haut que non. Finalement, ses besoins sont assez limités parce que finalement, il alors fait quoi il va s'acheter de la danette. Il s'achète non, de la danette en plus. Non. Voilà ce qu'il fait. En fait. C'est ce qu'il fait quand il braque la banque. Là. Il s'achète un grand écran, un vidéo proche. Ouais, un vidéo proche, ouais. Et franchement, et le plan du méchant, c'est pas le plan le plus pourri d'une bombe. Comment il veut la faire exploser, sa bombe à la con? Ouais, non, mais puis après, il remet la tempo. Un Nokia 3310. Non, mais c'est à chier, ça aussi. Non, mais en fait, c'est... C'est amateur, mais c'est la première fois qu'il faisait ça, hein, le gars. Ouais, c'est pas original. Tu t'y attendais à ça? Mais non, tu t'attendais pas, c'est ça qui est original. Qu'il soit décapité, non, et puis qu'il ait sa perruque, non plus, non, à la fin. Mais justement, ce que j'ai trouvé pas mal pour le coup, c'est le coup de la décapitation, où vu qu'on, pour moi, on a vu l'histoire du petit doigt de pied, là, avant, qui repousse pas, enfin qui se recolle pas en tout cas. Donc tu peux te dire que si tu coupes un truc, les super pouvoirs, ça va pas repousser. Donc là, tu peux te dire que le méchant il est vraiment mort. Ouais, ouais. Ah oui, bah à la fin tu te doutes qu'il est bien mort. Ouais, ouais, mais bon. Je trouve que le rapport entre perruque, les deux, au moins, ses cheveux avaient été cramés. On avait envie que l'œil s'ouvre hein, quand même, qu'un œil. Ouais, mais bon. Je sauve un truc. Hein. Non, mais tu vois, après, attends, on peut dire que c'est. Alors c'est sûr que bon c'est pas de la bonne critique de critiquer un film par rapport à d'autres films, mais bon voilà, il y a l'ombre de Marvel qui plane, et puis quand Sylvia t'as choisi le sujet, l'ombre était là aussi. Mais je trouve que effectivement c'est moyen comme film, mais ça a pas la prétention d'aller plus loin que ce que c'est, tu vois, par rapport à certains films Marvel qui quand ils sortent t'as des tapages publicitaires le film plus important que ce qu'il faudrait. Le film il est à son niveau, oui, c'est pas un grand film, je l'accorde. Moi j'ai pas passé un mauvais moment, je regrette pas de l'avoir regardé, mais je pense qu'il sait ce qu'il veut et il est à son niveau et point barre. Et c'est pas de la surenchère. Je trouve qu'effectivement des fois on voit les films de super-héros. Et peut-être moi ça me faisait ça peut-être plutôt quand j'étais gosse ou en disant t'as le mec il peut, enfin je sais pas, il a des super pouvoirs, il a des machins, et tu peux te dire ben il peut aller braquer une banque, il peut aller faire ci, et tu te dis tout de suite les super héros t'as l'impression qu'ils sont là, ils vont faire la nature humaine, je suis désolé, mais c'est pas l'homme est cupide aussi, donc que lui il aille prendre il va tout de suite au premier truc, le distributeur. Après, bon, c'est vrai que normalement, quelqu'un normal serait allé s'acheter une voiture. Mais lui, il n'a pas fait ça. C'est comme quand le mec qui gagne l'auto, le premier truc qu'il fait, il va s'acheter une voiture. Et ça, cette dimension, elle est intéressante parce qu'il a des super pouvoirs, mais ils sont pas, c'est pas forcément pour l'humanité et pour le bien des gens. Le super pouvoir, ça peut être aussi... on est dans une société capitaliste individualiste et lui, il les utilise... ça, effectivement, c'est peut-être pas assez utilisé. Ouais, mais alors dans ce cas-là, tu fais pas la fin de classique. Mais non, après, mais parce que je pense que s'il rencontrait pas cette fille, effectivement, il partait mal. Puis si tu veux, ce mec-là, personne ne croit en lui depuis qu'il est jeune. Donc du coup, il se branle devant la télé, il mange la danette. Excusez-moi, c'est un peu, je résume. Là, elle arrive, cette fille, de nulle part, et elle est fière de lui, elle croit en lui. Et c'est peut-être la première fois. Peu importe. C'est la seule qui lui porte de l'intérêt, qui croit en... Il dit qu'il n'a pas d'amis tout le long du film. Il n'a pas d'amis, donc lui, en gros, il n'en a rien à foutre. Il est nihiliste à fond. Ok, c'est un héros nihiliste. Il ne va pas machin. Sauver les gens, sachant qu'effectivement, il n'a pas d'amis. Et que... Voilà. Et finalement, elle l'ouvre, elle lui met un peu d'humanité. Alors, c'est très basique, c'est très machin, mais pour moi, le ça. Le cliché du méchant qui a les mêmes pouvoirs. Ah non, arrêtez. On a vu ça 1 milliard de fois. Le méchant qui a les mêmes pouvoirs que Spider-Man, mais c'est pas que grave, Batman, c'est pas le sujet du film. Mais moi j'attends autre chose d'un film. T'as justement, on voit que du Marvel, du DC. Maintenant il y a presque plus, presque, parce qu'il y a quand même quelques films qui sont encore pas mal. Mais qui sont que de la merde. Et en fait, tu te dis, tiens, je vais voir un film avec un autre point de vue. Bah non. Enfin, oui, mais un peu, quoi. C'est vraiment esquissé, quoi. Y a, les mecs qui ont fait ce film-là, c'est des mecs qui aiment aussi les super-héros. Donc, il y a forcément des... Il y a des petits hommages. Des petits hommages, la dernière partie, je suis désolé. Hein, je pense que tu remets toutes les scènes à partir du milieu. En fait, dès qu'il utilise ses pouvoirs, c'est du déjà vu. Mais t'aurais eu les mêmes pouvoirs, tu ferais exactement les mêmes choses. Non, moi je crois pas. T'as déjà l'écran, c'est vrai. Mais justement, j'aurais aimé que le film me fasse réfléchir là-dessus. Il te fait réfléchir. Mais non, il te fait pas réfléchir. Si, parce que t'aurais fait autrement. T'aurais pas fait ça, toi. T'aurais pas fait comme lui. Donc si t'aurais pas fait comme lui, c'est que tu réfléchis. Enfin, je pense qu'Arnaud, tu lui donnes des velléités au film qu'il n'a pas. Hein. Je pense pas que ce soit un film qui fasse réfléchir. Hein. C'est avant tout du divertissement. Ah bah si. Ah bah attends, le mec, c'est un anti-héros. Vous voyez pas quand même, le gars, il est. C'est quand même. Enfin, des films comme ça, en super-héros, on n'en voit pas. Dans le style qui est. Ah bah non. Bah excusez-moi, mais moi, j'en vois. Ah, ils auraient pas fait un business Marvel hein, s'ils avaient fait des films comme ça. Bah, il a. Voilà, et l'originalité, elle est là. Mais sauf que toi, quelque part, tu dis oui, bon, bah, t'en veux plus, tu veux remettre une pièce dans le. Non, parce qu'à la fin, ça copie les films de super-héros. Bah, c'est une origin story d'un super-héros. Parce qu'il se laisse rattraper par le genre, oui, sûrement, oui, je suis d'accord. Ah, je suis désolé, à la fin, ça aurait pu être, il voit le méchant qui fait son attentat, il dit, bah non, moi j'en ai rien à faire. Ah ouais, là tu t'es dit, ah purée, vache, ah ouais, ça c'est original. C'est la fille qui lui ouvre, lui justement. Oui, mais c'est les clichés. L'ami du héros qui meurt et qui fait, c'est l'oncle, dans Spider-Man, c'est son oncle qui meurt, qui fait qu'il va prendre... Parce que attends, dans Spider-Man, non, mais c'est pareil au début. Que c'est un cliché, attends, Spider-Man, il se bat, il fait des concours pour gagner de l'argent. C'est pareil, Spider-Man au début, dans ce cas-là, il a ses pouvoirs. Vous prenez celui de Sam Raimi, il fait ses petits combats et tout. Et il sort, il voit son oncle, il lui dit « Oh, arrête de faire tes conneries, je te rappelle, un grand pouvoir implique de responsabilité. » Paf, il se fait buter. Et là, d'un coup, Spider-Man dit « Ah merde, il faut que je fasse quelque chose de ma vie. » C'est la même chose. C'est Batman. La mort du mentor, ouais. Mais non, mais c'est... Mais oui, mais à chaque fois dans les films américains, t'as la mort du proche, et c'est ça qui fait que le super-héros, il se sent investi d'une mission. Voilà, c'est pareil. Ça. La mort de la fille, c'est pas original. Attends, et t'as déjà vu un futur méchant qui sodomise un mec, un travelo dans une voiture avant de prendre un AK-47. Non, mais ça, je m'en fous. Mais est-ce que je me porte mieux d'avoir vu ça, par contre? Non, voilà, ça m'apporte rien dans le film. En fait, le trash m'apporte rien s'il sert rien, quoi. Tu veux dire la violence? Bah, ils vivent dans un monde de violence. Le film, à un moment, il est violent, mais pour... Ouais. Bah, pour montrer que le méchant est méchant, quoi. Ouais, mais en plus, c'est une caricature. Le méchant, je te dis, je voyais le Joker, moi. Mais forcément. Le mec de The Mask. D'ailleurs, il y a un moment, il y a un des mecs, je pense que c'est un des mecs qui joue dans Gomorrah. Il n'y a pas un des acteurs qui joue dans Gomorrah, il me semble. Si, il y a l'acteur, je sais plus comment il s'appelle, mais qui se fait buter, puis qui a un tout petit rôle. Donc, à chaque fois qu'il y avait des scènes un peu gore, bah, je pensais à The Boys, en fait, derrière, parce que c'est le même genre, finalement. C'est la même chose, c'est des super-héros un peu trash. C'est bien The Boys. Ouais, mais par contre, c'est très coloré en images. Ouais, bah ça, c'est le côté italien, je pense. Enfin, le cinéma italien, je pense qu'ils font que c'est un peu moins coloré. Mais... Dans The Boys, c'est coloré. Là, c'est pas coloré dans le film italien. Bah, non, on est d'accord. C'est la parenthèse The Boys, mais la parenthèse The Boys, t'as la saison 1 qui casse tous les codes, et la saison 2 et 3, tu y reviens dans les codes. C'est-à-dire qu'en fait, ils peuvent pas s'empêcher de retomber dans leur travers de finalement, oui, mais il y a le héros, le truc. C'est-à-dire qu'au début, on te présente des anti-héros. Moi, j'ai adoré la saison 1. Et c'est assez génial la saison 1. Après, le reste, c'est sympa, mais ça reste du cliché de film de super-héros et on y revient. Et en fait, j'aurais aimé ça, moi, de votre film. Comme Hancock, là, on parlait d'Hancock. Oui, le début, il est un peu. Il en a rien à foutre. Et puis, aux trois quarts du film, il rencontre. Enfin, au milieu, il rencontre Charlize Theron. Et hop, il devient gentil. Mais n'importe qui en fait, devient on peut gentil pas s'empêcher. Avec Charlize Theron. Oui, mais on peut. En fait, on a du mal à sortir du carcan. Tout le monde critique Marvel d'ici. Et le paradoxe, c'est que dès qu'on veut s'en sortir, et ben on retombe dans ses travers. Le meilleur, c'était Defender. Ah, voilà. Defender. Là, je valide Pierre. Defender, et ben c'était super original. Il assumait l'hommage à Batman et Superman. Mais alors, pour le coup, c'était très original. Et puis, avec un des meilleurs acteurs de notre génération. Woody Harrelson. L'excédent Woody Harrelson. Condorman. Non, mais après le problème, c'est que vous parlez des films, est-ce que des films avec Charlize Theron ou Will Smith, là, mais il y a un moment, est-ce que ces films ne sont pas aussi victimes de leur mode de production? C'est-à-dire que tu as deux mégastars qui coûtent des millions à engager. Non, mais là, tu n'avais pas donc, le problème. Effectivement, tu peux faire trois d'accord. quarts d'heure d'originalité, mais après, tu es obligé de revenir dans les clous parce qu'il faut qu'à un moment, le film lui rapporte de l'argent. Non, mais... Sauf que là, il n'y a pas l'excuse. Alors, je suis entièrement d'accord avec toi. Mais là, dans celui-là, il y avait la possibilité. Bah ouais, non, mais vu le budget. Ah, Il faisait ce qu'il voulait. Avec quand il prend le radiateur et il le plie comme ça, bah, ça fait son petit effet, c'est sympa. Bah, je trouvais ça bien. Tu vois, c'est, en fait, il y a des petites scènes comme ça que je trouve ça original, bien. Mais moi, même le combat final, ça reste crédible avec peu. Après, c'est l'univers de la violence, c'est pas l'univers qu'on connaît. Moi je vis pas dans ma vie, j'ai jamais vécu la moitié de tout ce qu'il vit lui. Mais il baigne là-dedans, il y a une espèce de. C'est glauque, c'est un film de super-héros social presque. C'est vrai que c'est sûr que c'est ragoûtant. C'est pas. Moi, j'ai aimé aussi la. Je trouvais que la scène finale du combat, mais j'ai trouvé intéressante. Voilà, d'avoir ces deux pouvoirs, ces deux personnages qu'on les. Mais on l'a vu mille fois. La scène où il se propulse, j'avais l'impression de voir Matrix. Bien sûr, parce avec que Neo c'est contre. Non, mais c'est sûr. Mais parce que ça, c'est les trucages les plus faciles à faire et ceux qui coûtent le moins cher. Donc, c'est sûr que t'as pas la. Même Vincent Descailles. Même Vincent ça aurait pu être original qu'il ait pas les mêmes pouvoirs. Mais ça aurait pu être original. Il paraît moins fort. Il paraît moins fort. Il y avait déjà moins de trucs dans le bidon. Non, moi, je pense qu'ils auraient pu faire original. C'est-à-dire que le mec, il veut des pouvoirs et en fait, non, il a rien. Il est juste irradié. Là, toi, non, mais tu peux penser à la série anglaise là où ils ont des pouvoirs, mais des pouvoirs de la loose. Miss Fist. Ouais. Ouais. Ça, c'était sympa. C'était aussi. Bien, c'était bien ça. Au début, pareil. Ça, au début, ensuite, tu es retombé dans les travers. Quoi. En fait, il y avait un film que j'ai. Mais c'était un film américain, donc c'était Toxic Avenger. Tu vois ce que c'est Non, et puis si tu nous dis que tu avais un bon film et que tu as préféré mettre celui-là. Bon, il est l'heure de passer à nos scènes marquantes. En plus, en moins, ce que vous voulez. Et on va démarrer par Pierre. Pierre, ta petite scène marquante. Alors, le radiateur Alors, radiateur, ouais, alors, c'est une scénette, alors je ne sais même pas une scène. En marquant pas bien, moi, clairement, c'est l'intro, en fait. L'intro, j'ai failli arrêter le film. Enfin, je me suis dit, oh, putain, mais dans quoi on se démarre enfin, en fait, tout allait mal, je trouve, dans le sens où je trouvais pas ça réaliste. Enfin, pour moi, ils auraient dû le choper avant qu'il saute dans l'eau. Enfin, ou quand il saute dans l'eau, ils auraient dû l'entendre. Ou que sais-je, mais en fait, je trouve rien aller dans cette scène. Le fait que ce soit pas original du tout. Pour moi, il n'y a rien à retenir de la scène d'intro. Et après, dans les scènes plutôt positives, je dirais les quelques scènes où il y avait un peu de tension, mais je pense du côté mafieux, genre la scène où il y a le méchant, là, qui a les autres méchants qui viennent le voir et qui se tuent tous. Enfin, j'ai bien aimé la tension qu'il y avait dans ce genre de scène-là. Celle justement là où au début il est en train de baiser avec le mec, là, le trans, et puis après ils se font, dans ouais, la voiture, après, ils se font tous tuer là, juste après. Là. Donc, Ah quand il va se faire cramer la figure. Ça c'est une autre scène qui est après quand il se fait cramer. Là c'est la première scène où ils sont sur le parking. Oui non mais celle où elle menace de le faire cramer quoi. C'est ça. Ouais c'est ça. J'ai bien aimé celle-là par exemple, la tension qu'il y avait dans cette scène-là. Puis en fait il y a deux trois autres scènes, je ne pourrais pas te les citer, mais il y a quelques scènes comme ça que j'ai trouvé bien à droite à gauche, mais à chaque fois c'était des éclairs en fait, des éclairs de trucs bien, puis paf ça retombait quoi. Voilà. Oui, il n'y a, okay. a pas de maestria dans la mise en scène. Allez, Sylvia. Alors, c'est pas vraiment une scène, mais je trouve que, donc, mais j'en ai déjà parlé tout à l'heure, l'histoire du petit doigt-pied avec la tête qu'on coupe après, au moins, ça clôt le débat de il peut pas survivre. Donc, ça, j'ai trouvé que c'était pas mal. Pour le côté un peu de musique, il y a aussi le moment où le gars il chante là. Et en fait, parce que moi, je m'attendais à ce que ça dérape par contre cette scène. La tension, hein. Quand il chante en boîte de nuit, qui fait tout son spectacle pour la mafieuse. En fait, je trouvais qu'il y avait une tension, mais parce que je pensais vraiment qu'à la fin, ça allait partir en live. Et puis finalement, par contre, ça retombe comme un soufflet. Et puis après, ouais. La scène du centre commercial, qu'en as-tu pensé ? La scène de viol, du coup ? Du coup, oui, je voulais pas le dire, mais. je l'ai déjà dit. En plus, je trouve que ça sert à rien, en fait. Ouais, je suis d'accord. Ça sert à rien. Et après, pour le coup, encore une fois, il n'y a que des mecs, alors je vais dire normaux, si je dois les qualifier, et le seul qui est un peu mignonne, c'est la fille, quoi. Et ben, moi, ça me pose dans le côté peut-être un peu féministe, ouais, c'est toujours ouais, dans ce sens-là. Elle est pas ah non, non plus, si tu regardes les Marvel, ils sont quand même pas moches, les mecs, je suis désolée. Si on va non, pas mais elle est pas non plus fantastique. Elle est un peu antipathique, hein. Bah, physiquement, je te parle pas de intellectuellement où elle a un grain, je parle juste là, c'était la petite mention purement physique. Il n'y a pas beaucoup de diversité dans le film. Allez, Antoine. Je crois que l'Italie a des problèmes avec la diversité. Moi, j'aimais bien justement cette relation entre le garçon et la fille. Alors après, comme je dis, je l'ai vu moi il y a un bout de temps et j'aurais aimé le revoir. Donc effectivement, la scène de viol, je ne peux pas le regarder 2 mois avant notre enregistrement. Mais ouais, mais en fait, je l'avais regardé avant qu'Arnaud le choisisse. Donc en fait, je pensais même pas qu'il le choisisse. C'est parce que Antoine lui a soufflé ce film. Moi, je pensais pas qu'il choisirait ce film-là. D'ailleurs, j'avais tout raconté à Sylvia. Ah voilà. Bon, j'avais le début et la fin en fait. En tout cas, voilà, j'avais aimé cette espèce de relation entre ces deux-là, ces deux borderline qui arrivent quand même à se retrouver. Elle cherche un papa, elle en a trouvé un. Puis bah lui, il y a une fille qui est plutôt bien, qui lui parle. Une fille qui ressemble peut-être un peu au film qu'il regarde, ces films de cul avec ses filles avec ses gros seins, mais qui est vrai, qui cause et puis qui fait autre chose que des fellations ou des branlettes. Ça doit le changer. Et donc voilà, j'ai aimé leur relation. Ce que j'ai trouvé, c'est à la limite ce qui était original dans le film, toi, par rapport aux autres. Bon, ce que j'ai pas aimé, c'est la scène d'intro. C'est clair que ça fait vraiment trop. Ah oui, là, quand il plonge dans le. Je sais pas, c'est quoi le pot? Ah ouais, non, ça c'est non, ridicule, c'est pas le pot, ouais. Comment? Le Tibre. Le baril. Le Tibre, le fleuve, oui. Non, c'est le Tibre à Rome. Et voilà, après, j'ai bien aimé les scènes de fusillade, par exemple, sur le. Espèce de parking, là où effectivement le grand méchant, le grand mafiosi, là, il sodomise le transsexuel. Franchement, je reconnais que c'est pas un grand film, mais moi j'ai passé un bon moment quand même. Enfin, je pense que le peu d'originalité qu'il y avait m'a suffi. Déjà que ça se passe à Rome et pas à Los Angeles ou à New York, tu vois. Ah, mais moi j'ai passé un bon moment aussi, hein. Mais comme je dis, en fait, en y réfléchissant, tout ce qu'on a dit, il n'y a pas d'originalité et tout ça, mais en soi, tu passes un bon moment. Enfin... Non, mais c'est pas une purge, c'est pas une purge. À... Non, mais c'est pas une purge à regarder, ça faut être clair, non, mais c'est sûr. Bon, allez, à moi, et puis après on finira par Arnaud, c'est son film. Alors, moi, on n'en a pas parlé, moi, une scène que j'ai trouvé pas mal, c'est la scène où le méchant il revient et il explose tous les. Ah oui, c'est la scène où il se révèle, quoi. C'est la scène où il se révèle, on va dire. Ouais. Et je l'ai trouvé pas mal mise en scène. Alors, ça dure pas longtemps, mais j'ai trouvé ça pas mal. Et après, bah, le reste, je pense que j'ai tout dit. Moi, la scène que j'ai le moins aimée. Je pense que c'est la scène du baril, quoi. Enfin, là, ça, c'est pas possible. Ah, bah, l'intro, oui, on n'a pas le droit de faire ça en 2015. Ça, on peut pas. On a plus, c'est interdit. Carton rouge. Carton ouais, rouge d'entrée de jeu. C'est choquant là. Et ça rend le truc. Ça sort dès le début. Tu te dis qu'est-ce que je vais voir. Ouais. Et c'est dommage parce que pour le coup, le film est quand même mieux que sa scène d'intro, quoi, faut reconnaître. Et toi, Arnaud? Bah moi, c'est de voir au début le héros. Non, une scène. Ouais, scène. Bah, voilà, le film. Alors le film. La scène du film. Ça te va comme ça? Parce que il est un peu comme une coquille vide parce que il est assez. Il est quand même pas. Non, mais on l'a dit ça. Ce qui compte, c'est un peu une petite scène marquante où tu te dis, tiens, ce moment-là, il restera dans ma mémoire. Non, il n'y en a pas. Est-ce qu'il y a une scène qui reste. Ah, ça a coupé, on n'a pas entendu, t'as dit quoi? Hein? Il cherche, il trouve pas. Ah, si. D'accord, j'ai cru qu'il y avait une coupure non, internet. Non, mais. Bah, c'est non, vrai qu'il y a la scène de viol par rapport à River. Ah, mais non, mais elle est pas marquante? Ouais, toi, t'as pas marqué, t'as l'habitude des scènes de viol. Mais... Non, mais je veux dire, par rapport à celle d'Irréversible, elle est différente. Courte, ouais. Non, elle est un peu plus courte. C'est une scène de viol. Peut-être tu compares des trucs. Ouais, il y a un truc avec Poppers et l'autre sans Poppers. Ouais. Mais après bon, non, ouais, mais, bon, non, mais c'est scène. Intéressant, bon. Parce que j'essaie de. Passons à la suite. Non, parce que là, Sylvia, non, mais. Je vais couper, je vais beaucoup couper. Mais non, mais c'est pas l'histoire de qui a raison, qui a tort, c'est bien, c'est pas bien. C'est de savoir pourquoi est-ce qu'ils ont foutu cette scène-là. Elle a forcément, je pense pas que cherche pas à philosopher. Je philosophe. Le gars, il est biberonné au porno, tu sais, dans le porno, les filles, elles disent plus oui que non. Hein. Ou alors quand elles est-ce disent que non, c'est pas. Que... Est-ce que ça montre. Il est le produit de la société, et voilà, et la société. Ce que produit la société, ben voilà, ça rejaillit et ça parle aussi de ça. Lui, il a une chance parce qu'il a super pouvoir et du coup, il va pouvoir, plutôt que de continuer ça, il va pouvoir faire autre chose et ça c'est bien. Quoi. Ouais. La scène, bon, si j'aime, okay. Bah, laisse-moi finir. Alors la scène que j'aime bien, c'est quand il saute à la fin là, comme ça. Ah voilà, donc ouais. C'est ça ta scène, c'est celle où il saute comme Batman. Voilà, ouais. Ok, d'accord. Eh ben ça marche. Eh ben il faut noter maintenant, hein, parce que c'est pas tout, mais vous l'avez vu sur une télé, un DVD, un Blu-ray, en streaming, je sais pas quoi. Et maintenant que vous devez le conseiller ou pas, sur quel média le recommandez-vous? Et on va refaire le tour dans le même sens, Pierre. Je dirais ouais, en streaming sur un écran de PC, pas plus, quoi. Voilà, ok. Streaming sur écran de PC, Sylvia. Alors, si je prends que l'échelle 0, c'est Vincent n'a pas des cas sur un smartphone, et je sais pas que 10, c'est un des Batman de Nolan. Au cinéma, celui-là, je vais dire, allez, un 3. Non, quand même, tu vois. Un 3, et bah, attends, 0, il a Vincent n'a pas des cas, c'est 3 points de attends, plus. Entre Nolan, on doit mettre des chiffres, puis, on doit mettre des images pour que ça parle. Ouais. Bah, la télé. La télé, très bien. La télé, ok. C'est Antoine, après. Ouais, moi, tu sais, je voulais revenir sur un truc pendant que j'y pense. Oui, c'est intéressant, non, mais... Antoine. Non, mais... Tu disais que ces films n'arrêtent pas de te faire penser en fait, à d'autres films. Mais franchement, quand tu regardes les Disney, là, où à chaque fois que tu regardes un film, il y a une séquence qui te fait penser à Star Wars. Franchement, tu vois, c'est un reproche qu'on peut difficilement faire parce que les films, maintenant, n'inventent plus grand-chose parce que c'est de l'auto-référence. C'est pas forcément un reproche. Non, mais si. Dans la bouche de Seb, c'est un reproche. On dit, oh, moi, je... Bah, oui, parce qu'au début, ils tentent... Non, mais tu c'est un reproche. Et, genre, parce les en films fait... modernes, c'est que non, ça. Non, ils n'inventent plus rien. Donc, mais oui. Tu peux pas reprocher ça à ce film. Toi. Enfin, ou alors, tu reproches à tous les films actuels. Non, mais non, c'est par rapport à l'orientation. On regarde. Oui, et puis à nouveau, pour finir, du coup, c'est le film prend une autre direction et tu te dis, c'est bien. Mais si c'est pour refinir, en fait, c'est plus ça qui m'a dérangé. C'est pas qu'à la fin, ils rendent hommage à... Je veux dire, Defendor rendait hommage à Batman, rendait hommage à Superman, j'ai adoré Defendor. Le truc, c'est que là, ça se dissocie des films de super-héros pour finir pareil. C'est plus ça le reproche, voilà. Mais bon. Bon, je sais pas si ça se dissocie, voilà. Hein. C'est juste un film qui a pas d'argent, donc c'est sûr que c'est moins clinquant. Non, il n'y a pas d'argent, mais ils osent quand même la scène de viol, ils osent la scène de sodomie. Tu le recommandes sur quel média ? Moi, je recommande sur, si je vais prendre la même échelle que Sylvia, bon, Vincent n'a pas des cailles, on va dire, c'est le niveau 0. Et alors, par contre, en niveau 10, je sais pas ce que je mettrais, parce que j'arrive pas à, pour moi, le niveau 10, c'est le niveau inatteignable. Moi, je serais plus sur 7. Là. Bah si, parce 7 que... Mais ouais, non, mais 7, attends, parce que... C'est quoi l'écran qui vaut 7? Non, mais moi, je le regarderai bon, comme je vais regarder HD chez moi, 4K. Comme j'aurais envie de le regarder, c'est-à-dire sur mon rétroprojecteur, ouais, en Blu-ray, alors c'était en DVD. De toute façon, on n'a pas des cailles, moi, je l'ai vu au cinéma. Parce que effectivement, ça me fait penser, ça fait penser à beaucoup de films, mais mine de rien, c'est des scènes, des fois, qui sont revisitées et qui sont ponctuées et qui me font tenir. J'ai dit, ah ouais, putain, bah, ça, je trouve que c'est bien mis, ça a un petit point de vue original, mais effectivement, de temps en temps... Ah ouais, bon, ça ils auraient pu mieux d'accord. faire. Donc, non, moi je. Un Blu-ray. Le Blu-ray, okay. Ouais. Enfin, ou le DVD après, Blu-ray. Je m'en moque. Ouais. Moi, je suis comme Pierre, le streaming PC est largement suffisant. Et toi, Arnaud ? Alors moi, je vais répondre, mais juste, je vais faire une petite digression, mais rapide. Non, mais ça va dans le sens de ce que vous proposez dans l'originalité de dire sur quoi le film il faudrait le voir. Alors, si c'est un film, il faut bien voir que. Un film qui est bof-bof au cinéma, et le film bof-bof, il va passer. Alors que le film bof-bof, à la télé, ou sur ton écran, ou l'ordinateur, ou sur le smartphone, il passera moins bien. Non, mais c'est un jeu, c'est une métaphore hein, de classement. On oui, ne demande ça... pas quel est le mais meilleur mais média pour dire... voir un film. Évidemment, ça c'est le ciné. Je pense que... On demande, non, mais... c'était pour éviter de mettre des notes. Ouais, mais... tu vois, c'est le concept, en fait. Tu n'as pas compris, après tant de podcasts, que c'est juste un concept. Ils ne jugent pas le film, ils jugent le média. Non, mais ça, non, non, t'as non, pas non, compris. Non. Je parle de l'expérience. Oui, parce que... c'est ce qu'on te tue à te dire. C'est une image, une métaphore. Oui, mais tu veux passer... Moi, j'ai vu... là, cette semaine, on passe Le Règne Animal. Et moi, je n'ai pas pu le voir sur grand écran parce que je l'ai vu sur... moi, j'avais un lien pour le voir. En fait, vous n'aimez pas répondre aux questions. Hein. Si, mais je vais répondre. Et franchement, je pense que je suis passé à côté du film parce que je ne l'ai pas vu au cinéma. Et ça me fait chier. Du coup, il faut que je retourne le voir au cinéma. Bon, et bah donc celui-là, tu recommandes le cinéma. En fait, tu recommandes tout le temps le film au cinéma, toi. Même une grosse daube, tu diras, ouais, mais au cinéma... Si c'est un film qui a été fait pour le cinéma. Et bah celui-là, est-ce qu'il est fait pour le cinéma ? Il est sorti au cinéma. Nous, refilme... est-ce qu'il est... Bon, ok, donc tu le recommandes au cinéma. C'est un super héros, Arnaud. Faut pas rentrer avec lui dans les conversations. Il t'embrouille, il te retourne le cerveau. Et 3 heures après, t'es toujours à discuter avec lui. Non, mais voir un film au cinéma, c'est pas le. Non, mais on juge pas le ciné. Bon, écoute, au cinéma, allez, on a 2 streaming, un Blu-ray, un cinéma et une télé. C'est moyen. Bon, c'est pas mal finalement, moyen. Bon, c'est à la hauteur. Bon, c'est film, à la hauteur du film, hein. Ouais, c'est vrai. Bon, globalement, c'était une finalement, petite hein. déception quand même. Enfin, c'était bien, mais. Eh ben, je pense. En fait, c'est ben ça. C'est surtout que ce je suis déçu. Film-là, bizarrement, vous allez vous en souvenir beaucoup plus que tous les autres films de super-héros. Non. Ah non. Voilà, ça ah ben ils peuvent pas s'en souvenir plus que Vincent n'a pas des cailles parce Vincent que. Vincent n'a pas des cailles. 10 ans après, on en parle encore. C'est ça. Le niveau zéro, c'est. Et c'est quoi, voilà. Sylvia, ce que t'as pas aimé dans Vincent n'a pas des cailles? Ah non, on va pas faire la critique de Vincent n'a pas des cailles. Soyons clairs, c'est juste chiant. On parle pas de Vincent n'a pas des cailles. Ouais, carton rouge. C'est comme le baril de radioactivité. C'est pas le match, c'est bon. Carton. Allez, l'heure est venue de conclure. Alors, le petit tour. Des actualités culturelles ces derniers temps. Allez, tiens Arnaud, vas-y, démarre. Alors, Jawan, le dernier film de Shah Rukh Khan. J'ai vu Le Haut du Panier. Ah, sur Netflix ? Sur le basket, ouais. Avec Adam Sandler. Là. Ah ouais ? Ouais, très bien. Ouais, c'est sympa. Ouais, j'ai été très ému. Ouais. Ce basketteur m'a ému, ouais, j'ai vraiment bien aimé. Et sinon, j'ai vu Tapi et c'était correct. D'accord, ok, merci. Sylvia ? Bah, comme on l'expliquait au début du podcast, pour nous c'est un peu compliqué en ce moment de voir des choses, donc... Si, pas de patrouille. Ouais, voilà, et ben tu vois, il regarde deux dessins animés de dinosaures et je tiens à dire que Dino Train est quand même vachement plus sympa que l'autre. Ah, Dino Train, il adore, moi aussi, il a adoré. C'est quoi, non, c'est l'ABC voilà. Dino, non, c'est pas ça? Avec le train ah, et les dinosaures. Dino Train, c'est ah, c'est Dino Train, vous. Ah non, c'est autre chose alors. Ouais. Il y a un truc, ça s'appelle ABC de Dino, mais c'est avec des dinosaures et un train. C'est marrant. Dino Rizzi ou. Ok. Écoute, voilà, c'était le point dessin animé. D'accord. Ok. Et toi, Antoine, c'est l'autre dino du coup ? Non, alors moi, c'est mon chef-d'œuvre du moment. Chien de la casse. Un premier film. Ah ouais, Jean, j'aimerais bien le voir. Jean-Baptiste Durand, avec entre autres Anthony Bajon. Donc on avait vu dans NTM qui jouait le rôle de Joe Star, mais surtout Raphaël Quenard. Mais t'en as pas déjà parlé de la dernière fois ? Non, j'ai dû vous saouler avec Raphaël Quenard. Je pense que ça doit faire 3 épisodes que je vous saoule avec. Je suis quasiment sûr que tu as parlé de ce film déjà en fait. Bah, j'ai comme un doute, mais comme tu m'en as parlé directement, je sais pas si non, c'était non, dans non, le podcast ou pas. J'ai dû d'autres films où je l'ai vu. Ça devait plutôt être sur la messagerie. Et c'est un Ralph, donc c'est Raphaël Quenard's origine. Hein. Là, on est encore dans un origin story. C'est bon, l'histoire elle est assez basique hein. C'est deux copains d'enfance, c'est une relation un peu toxique entre ces deux garçons, et le maltraité des deux rencontre une fille, une relation amoureuse se crée, et forcément ben le dominant se sent, et voilà, enfin c'est vraiment, enfin moi Raphaël Quenard, ça fait plusieurs films que je vois de lui, alors j'ai peur qu'il explose un peu en vol parce que ça fait plusieurs fois que je le vois toujours un peu avec le même rôle. Mais il a une présence, il a un phrasé aussi, il a une façon de parler assez particulière. Mais c'est vraiment un film à voir. Je pense que c'est l'une des plus belles fins que j'ai pu voir ces 10 dernières années. Ah oui, c'était sur la messagerie qui nous a dit que c'était son nouveau momie. C'est mon nouveau momie, voilà. Oula. Si tu l'as pas vu, Arnaud, vas-y, parce que c'est. Enfin voilà, c'est. Non, mais je vais le voir. Exceptionnel. Ouais, j'avais discuté aussi avec une personne qui m'avait dit que ouais, pour lui, c'était le meilleur film qu'il avait vu cette année. Ouais. Il est sorti en avril déjà, un truc comme ça, non ? Ou pour, enfin, il est... Ouais, ouais, c'est met... ouais. Ouais. Ouais, t'as raison, 19 avril 23, ouais, c'est ça. Ouais. Et Anthony Bajon, il dit pas grand chose dans le film parce que c'est un peu le souffre-douleur, mais il le joue super bien. Enfin, il est super poignant. C'est encore un film avec un chien, donc je vous raconterai pas ce qui se passe avec le chien, mais le chien clôt tous les débats, on va dire. Et en fait, ce qui est aussi intéressant dans ce film-là, c'est que généralement, les films, c'est soit des films qui se passent à Paris, un peu des fois dans la bourgeoisie parisienne, dont je me sens un peu étranger à tout ça, ou alors c'est dans les cités. Je me sens aussi un peu étranger à tout ça, parce que j'ai vécu ni dans l'un ni dans l'autre. Et là, ça se passe dans une ville lambda en France, une ville où moi j'ai grandi. Alors, l'histoire de ces deux garçons ne me ressemble pas, c'est pas ce que j'ai vécu, mais je me suis retrouvé dans leur groupe d'amis, voilà, où des fois on se retrouve le soir, on n'a pas grand-chose à faire, parce qu'on est dans des petites villes de France. Et je trouve, une fois de plus, et l'histoire en elle-même n'est pas originale, mais c'est le point de vue qui est amené, qui est original. Ils n'ont pas de problème financier, c'est juste des ados qui se posent des questions sur leur avenir. Franchement, moi j'ai adoré. Enfin, le film dure 1h30, donc il est plutôt court, c'est un premier film. On voit pas le temps passer, quoi. Mais par contre, Sylvia, elle peut le voir ou elle peut pas le voir, Sylvia ? Ah, elle peut pas le voir. D'accord, ok. Ok, moi c'est sur Netflix, parce que j'aime bien regarder la MMA maintenant. Et j'ai regardé la série documentaire McGregor Forever sur Conor McGregor l'Irlandais. Qui a un parcours atypique, et c'est assez sympa de voir la préparation de ce. Enfin, aux États-Unis, ça cartonne ce sport, et en France, ça commence à bien cartonner aussi. J'avoue que je me suis pris un peu, c'est grâce à l'équipe 21 que j'ai découvert ça, la MMA. Ça fait déjà 2 ans que je regarde ça. Et du coup, ouais, je me suis laissé tenter par le reportage sur Netflix, là, et en 4 épisodes, et franchement, j'ai trouvé ça assez. Il y a une série qui était en fait, sympa c'est pas hein, sur la MMA. C'est pas qu'un sport de bourrin. En fait, parce qu'on avait vu un super film là, Pierre, comment il s'appelait le film ? Je me souviens plus. Warrior. Ouais, Warrior. Et en fait, ce film, j'avais accroché, et maintenant je regarde à fond. Là, l'autre jour, j'ai regardé Cédric Doumbé, là, quand c'est passé sur RMC et tout, j'adore regarder c'était, ça. C'était rapide le combat, je crois. Ah ouais, il a duré 9 secondes, ouais. Mais, et en fait, derrière, c'est tout un. Je pensais pas qu'il y avait à ce point de la préparation. Je pensais que c'était un peu un sport de bourrin, des anciens combattants qui ont fait de la capoeira, judo, jiu-jitsu. Et en fait, non, c'est toute une maîtrise, une hygiène alimentaire. Les mecs, ils pèsent leurs calories. Ils perdent après toute l'eau avant le combat. Mais un peu comme les boxeurs. Mais ouais, voilà, j'ai trouvé le reportage très bien fait. Mais comme souvent, Netflix, ils ont des bons documentaires. Donc voilà. Et donc la série, c'est Kingdom. Ah oui, et c'est elle ça. Était vraiment j'ai pas très vu, bien ça, cette série. Que je la vois. Elle était disponible sur OCS. Je sais pas s'il y a toujours. Ok. Et Pierre, à toi. Alors moi, du coup, je sais plus si quelqu'un en a parlé quand c'est sorti, parce que ça date pas d'hier non plus. C'est une mini-série française qui s'appelle L'Effondrement. qui était sorti après le Covid. C'est sur YouTube, ça. Alors, c'est sur YouTube maintenant, c'était avant le Covid. Enfin, bref, c'est sorti sur Canal Plus à la base, et ensuite ça a été sorti sur YouTube. En fait, c'est un collectif de jeunes artistes là, qui font ça, qui s'appelle Les Parasites. Ils font aussi plein d'autres vidéos que j'ai regardées, j'ai regardé quelques-unes, des courts-métrages que je trouvais vraiment pas mal. En fait, l'effondrement, c'est donc il y a 8 épisodes, c'est une série sur les thèses de la collapsologie, donc si la société s'effondre, comment ça se passerait en France, en gros. C'est à chaque fois, chaque épisode, c'est un plan séquence qui dure 20-25 minutes. Ça traite tous de thèmes très différents, et c'est vraiment à chaque fois, je trouve, super bien fait, ultra réaliste, donc, du fait du plan séquence. Puis chaque épisode avance dans le temps, en fait. C'est-à-dire, je crois que le premier, c'est J plus 1, après c'est J plus 15, J plus... Sauf le dernier qui est à J moins 1, du coup. Mais en gros, à chaque fois, ça avance. D'accord. Genre, le premier, c'est J plus 2, ensuite, t'as une semaine après, un mois après, 2 mois après, voilà, les trucs comme ça. À un moment, t'en as un, c'est genre presque un an après, et puis le tout dernier, c'est moins 1, en fait, pour dire, voilà, en fait... Enfin, tout ça, c'est pour montrer des trucs qui montrent dans le dernier épisode sur ce qui se passe juste avant l'effondrement. Enfin, entre autres, hein, c'est un des messages de toute la série. Et donc, voilà, si j'ai vraiment accroché, ça dure 20-25 minutes par épisode, j'ai regardé en deux soirs, quoi, en gros. Parce que ça faisait longtemps que j'avais pas autant accroché une mini-série comme ça. C'est français ? C'est français. Tu retrouves jamais les mêmes acteurs, il y a souvent des acteurs connus en fait. T'as Rodolphe Leroux, il y a Samir Gasmi, enfin il y a quelques têtes connues quoi, qui ont des seconds rôles en plus hein, d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas de personnage principal. Moi j'ai découvert cette série avec la station service, donc après j'ai acheté la Zoé, je ne veux pas avoir ce problème d'essence, et après j'ai vu l'épisode sur les centrales nucléaires. Là j'ai revendu la Zoé, maintenant je roule à vélo. Mais à part, il y avait un épisode avec le bourgeois là dans son avion, j'avais pas du tout aimé. Je sais plus avec qui c'était. C'est le seul qui est un peu moins bien, c'est vrai. Celui de riche, il est un petit peu moins bien. Mais les autres sont tous super bien. On peut le voir sur YouTube. Tu peux le voir sur YouTube, ouais. Tu peux le voir sur YouTube. L'effondrement, d'accord. Ouais, parce que 25 minutes, c'est pas long, c'est bien. C'est pas long. Ok. Hein. Bon, et ben voilà, on a fait le tour. Et ben, du coup, le prochain coup, c'est Sylvia qui nous choisira un film. C'est moi qui trouverai le thème pour Sylvia. Et ça sera pas comédie romantique mexicaine, Sylvie. Enfin, je m'y comprends. Bah, tu vois, c'est comme voilà. Pour éviter Vincent n'a pas d'écaille. Celui-là, il vous a marqué. Mais je sais plus comment il s'appelait. C'est quel film ? Une grosse bouse qu'on avait. Oh, c'était nul. Mais c'était même pas Mexique. Je crois que c'était un film mexicain. Netflix, je crois. Ouais, sur Netflix. Oh là là, comédie romantique, mais t'imagines même pas. J'ai même oublié le titre. C'était un nouveau jalon. C'était sur l'échelle des films romantiques. Le 10, je sais pas ce que c'est, 4 mariages et un enterrement, peut-être, j'en sais rien. Et le 0, c'était ça. C'était toi, ça avait redéfini. Bon, et bien sur ces bonnes paroles, on espère que vous avez passé malgré tout un bon moment. Hein, parce que voilà. Et puis à bientôt. Ciao. À bientôt. À bientôt. Ciao. Ciao. Bonne nuit.